Chapitre 12e. Lundi matin, 12 juillet. Tournière, le facteur, fait sa tournée sur un vélo qui grince et couine, ce qui permet aux gens de l'entendre venir de loin. Tiens, c'est le facteur. Dans la rue Porte du Chevalier, il passe chez les Vergnes, puis chez les parents de Camille. Il implique du palais de justice à remettre à ces derniers. Il appelle à la fenêtre du premier sans résultat. Les persiennes sont fermées. Quelqu'un de malade. Il s'engage donc dans l'escalier qui grimpe au premier. Tout en montant, il continue à appeler « Madame Briot, Marie !» La porte de l'appartement n'est pas fermée et laisse passer un filet d'air. Il la pousse doucement et là, il voit. Au bas de la pile en pierre de cassis de la cuisine, un corps gît, complètement disloqué. La tête n'est plus qu'un énorme caillot de sang. Le visage est méconnaissable. Le corps est vêtu d'un tricot de peau, d'un pantalon usagé, et les pieds sont chaussés d'espadrilles. Il s'agit d'un homme entre 30 et 40 ans. Autour du corps, des morceaux de poterie sont éparpillés. Le mort tient dans sa main un couteau de cuisine sur lequel on ne peut distinguer aucune trace de sang. Près de la table de la cuisine, une chaise est renversée. Au-dessus de la chaise, un corps de femme pendu au plafond tourne très lentement au gré des fibres de la corde. Les persiennes sont fermées, et la pénombre renforce le caractère macabre de la scène. Les deux têtes sont noires. Sur la table de la cuisine, couverte d'une toile cirée à fleurs, un bout de papier griffonné. Sans le toucher, Tournière déchiffre ce qui est écrit. « J'ai tué mon mari, parce que c'est lui qui a tué la maîtresse. Il a touché aussi ma fille. Moi, je la battais, et j'ai plus pu supporter. On mérite de mourir, tous les deux. Je vais rejoindre Camille. Priez pour nous. » Quelques minutes plus tard, après force couinement de métal et tremblement, Tournière entre chez les gendarmes. « Venez, venez, c'est grave !» Trinquier et deux de ses hommes pénètrent dans la cuisine du drame. Le corps de l'homme est noir de sang jusqu'à mi-torse. Le corps de la femme présente une face violacée, la langue pendante, les yeux grands ouverts et révulsés. « Oh, pauvre de moi, ça pue! Ouvrez les volets, que ça s'aère et qu'on y voit mieux !» s'exclame Trinquier. « Vive-moi la retraite. J'ai jamais vu autant de morts que dans ce putain de village. » Ils prennent connaissance de la teneur du mot sur la table. « En tout cas, » constate Trinquier, « elle était fâchée avec l'orthographe, la mère Bréau. »« Pétard, » constate Boissier, « elle avait une sacrée force. Elle lui a complètement éclaté le teston à son mari. »« Avec quoi ?» demande Trinquier. « Eh bien avec ça, » dit Boissier en poussant du pied les débris. « Apparemment, ça devait être une grosse marmite en terre. Regardez les morceaux, chef. »« Ne touche à rien. Il faut que je prévienne le juge et le légiste. De m'accaver d'un coup, ça mérite le déplacement. Fan de pétan, quel pays !» Une grosse demi-heure plus tard, le juge Moretti arrive, tout essoufflé d'avoir monté l'escalier. « À quand remonte la mort, à votre avis ? » demande-t-il au légiste. « Plus de 24 heures, au moins. » On dépend le corps en laissant en place la corde. Trinquier a remis la chaise d'aplomb. Il monte dessus, puis sur la table de la cuisine. Une fois sur la table, Trinquier hisse la chaise et monte dessus. « Qu'est-ce que vous faites, Trinquier? Voulez-vous suicider aussi ?»« Mais non! Vous êtes toujours aussi perspicace, monsieur le juge. Je voulais me rendre compte si de cette hauteur, on pouvait accrocher la corde à la solive et passer la tête dans la boucle. »« Et alors ?» demande le juge. « Ça correspond bien. » La femme a bien dû attacher la corde en grimpant sur la table, puis sur la chaise. Ensuite, elle a donné un coup de pied dedans pour que la chaise tombe une fois qu'elle s'était passée la corde au cou. « Vous pensez que quelqu'un aurait pu la pendre après l'avoir estourbie ?» déclare Boissier. « Ce serait un numéro d'équilibriste que de hisser un corps si haut en montant sur une chaise, Boissier. »« Et puis dans ce cas, que faites-vous du mot ?» demande le juge. « Oui, ça c'est un problème, avoue Boissier. »« Toubib, les deux morts sont-elles concomitantes ?»« Oui, il y a de grandes chances, à quelques minutes près. » Les révélations du billet expliqueraient les traces de coups sur le corps de la gosse. C'était donc sa mère qui battait Camille, conclut le juge. Et les attouchements également, monsieur le juge, précise Trinquier. C'était le père qui tripotait sa fille. À première vue, tout bim, la mort de l'homme est bien due au choc sur la tête. Évidemment. Mais la femme n'y a pas été de main morte. La boîte crânienne est complètement défoncée. Et ce couteau, s'interroge Moretti, vous pensez qu'il a voulu la tuer avec ? Ou il a peut-être voulu se défendre quand il a compris que sa femme allait lui écraser le crâne, avança le chef. Pendant ce temps, Moretti furette dans la cuisine. Il déplace les casseroles, ouvre les tiroirs, les portes du placard. « Tenez, regardez trinquer, j'ai trouvé un carnet. » L'adjudant s'approche de lui et ensemble, ils compulsent ce carnet. « Pour avoir retourné le potager de la mère Gabert, 2 francs. Tomates, 50 centimes. Sèbes, 10 centimes. Aubergines, 80 centimes. Pensez à repriser le pantalon d'Étienne. Pour avoir écrit la lettre de Trophime, 1 franc 50. Ajoutez le safran au moment de la cuisson. Pour avoir fait les vitres de la mère Gabert, 1 franc 50. C'est un calepin de ménagère, qu'est-ce que vous en pensez, trinqué ? Sans aucun doute, répond l'adjudant. Si c'est celui de la mère Bréau, on peut dire qu'elle arrondissait les fins de mois. Passez-moi le carnet, s'il vous plaît. Je vais vérifier quelque chose. Il saisit le carnet et compare les 2 écritures. Regardez, dit Trinquier, c'est bien la même écriture. La même façon de faire les T et les P. C'est bizarre que quelqu'un qui a une si belle écriture écrive avec autant de fautes d'orthographe, remarque le juge. Pourtant, s'étonne Trinquier, dans le calepin, il n'y a aucune faute d'orthographe. C'est pourtant vrai. C'est qui le juge? Sur le coup de l'émotion, elle a peut-être oublié son orthographe. Moi, j'y crois pas, s'interpose Boissier, avec son long nez. En 18, j'écrivais sous les bombardements avec la cagagne et la peur au ventre. C'est pas pour ça que je faisais des fautes. C'est exact. L'orthographe, ça ne s'oublie pas comme ça. Alors, quelqu'un a imité son écriture, aimait Boissier. Difficilement admissible. Regarde, il y a trop de similitudes. Et puis on sent bien que l'écriture n'est pas hésitante. C'est quelqu'un habitué à écrire qui a rédigé ce billet, confirme l'adjudant. Il va falloir m'éclaircir cela, trinqué. Décidément, ce village commence à me taper sérieusement sur les nerfs. Ne vous en faites pas, Moretti, je... Monsieur le juge, trinqué, monsieur le juge, s'il vous plaît, le coupe Moretti. Adjudant trinqué. Adjudant, s'il vous plaît, monsieur le juge, précise aussi sec trinqué. Nous allons interroger ce Trophime et la mère Gabert qui doit être une voisine. Pour prendre un peu de champ vis-à-vis du juge, Trinquier pénètre dans les 2 pièces qui donnent dans la cuisine. La grande chambre est meublée d'un lit Louis-Philippe à 2 places, d'une commode et d'une armoire provençale. La petite pièce doit certainement être la chambre de Camille. Un petit lit, une petite table, une petite chaise, une petite armoire, le tout en bois blanc. Rien au mur, ni sur le lit, ni sur les meubles. L'armoire est fermée à clé. Dans un réflexe d'expérience, Trinquier passe la main sur le dessus de l'armoire. Une petite clé percée s'y trouve. Il ouvre la serrure et dans le meuble découvre un fatras de livres, de poupées, de cahiers d'écoliers, comme si tout avait été fourré dans l'armoire à la va-vite. Le lit n'est pas fait, laisse voir son matelas. On dirait qu'on a voulu effacer toute trace d'occupation dans cette chambre. Pendant que dans la cuisine, les hommes tirent tous sur leurs cigarettes, à des fins peut-être désodorisantes ou antiseptiques, à les savoir, Trinquier se saisit d'un cahier plus joli que les autres, à moitié déchiré et le feuillette. « J'ai encore vu machin cet après-midi. Il pourrait me faire un bisou quand on se quitte. Plus tard, je marierai avec machin, si la maîtresse ne me l'a pas déjà pris. J'ai encore reçu une tannée pour avoir fait 3 fautes dans la dictée. Un jour, je vais être toute bleue. Encore mal dormi. Je veux qu'il me foute la paix. J'irai plus. Je me jetterai par la fenêtre. » Aujourd'hui, machin m'a dit ce qu'il apprenait à l'école quand il avait mon âge. C'était la même chose que maintenant. Trinquier va ensuite visiter la chambre des parents dont la porte se trouve juste à côté. Dans un tiroir de l'armoire, sous la pile de draps, il découvre de vieilles photos. L'une d'elles attire son attention. Elle représente Marie Bréau tenant par la main un enfant. Au dos de la photo, une inscription « Camille a 3 ans ». Trinquier remarque que, selon toute vraisemblance, l'enfant sur la photo est un garçonnet et non une fillette. Il farfouille encore dans le tiroir et trouve le livret de famille des Bréau. Il fait disparaître le tout dans ses poches, attendant d'être au bureau pour élucider ce nouveau mystère. Puis il repasse dans la cuisine et met le cahier déchiré sous les yeux du juge. Après avoir lu quelques passages, le juge s'exclame. Eh bien, mon adjudant, ça confirme en tout point le rapport que vous m'aviez déjà fait. Je m'étonne que le mette la main sur ce cahier seulement maintenant, ajoute Moretti d'un ton amer. Trinquier ne dit rien, il ne veut pas envenimer la situation. Une légère rougeur traduit sa colère. Dites-moi, facteur, vous confirmez que la porte était entrebâillée ? Demande le juge. Oui, je n'ai eu qu'à la pousser, sinon je ne me serais pas permis d'entrer, vous pensez ? C'est bizarre, ça. Quand on a décidé d'assassiner son mari et de se suicider, Il me semble qu'on doit fermer la porte de chez soi, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Prenez note, adjudant Trinquier. Vous allez avoir du boulot. Restés entre eux, les gendarmes reprennent de l'aplomb. Tu connais ce Trophime, Boissier? C'est le Rémouleur, répond le gendarme. Bien, va me le chercher, qu'on l'interroge. De retour de Marseille, Maxime a raté sa correspondance pour Lambesc et Avignon. Il a donc dormi dans le hall de la gare d'Aix. Au petit matin, il était boire un jus au café d'en face, puis s'est offert une petite balade sur le boulevard Victor Hugo en attendant l'heure de son train pour Lambesc.